tourner loin dans ton désert d'amour. M'a dit aussi que parfois tu pensais à nous. Comme ça en passant, on m'a dit que t'avais replongé, quitte à te noyer, à te brûler dans les ailes de l'enfer. Alors là, je me suis dit qu'un jour ou l'autre, malgré moi, malgré toi, on se dira que les pieds dans l'eau